danser le disco. Tu marches en disco. Tu penses en disco. Vraiment? Ton langage est disco. Attention à la vie, la mode ça passe comme le vent. Oh yeah Africa, oh yeah Africa, Africa musica negra. Oh yeah Africa, oh yeah Africa, viva la musica negra. Et tu danses le disco, tu marches en disco, tu penses en disco, ton langage est disco. Attention à la vie, la mode ça passe comme le vent. les week-ends, pendant les congés, de lundi samedi au travail. C'est ça l'avenir, n'oubliez pas l'école et les bouquins. Mes amis les jeunes, après les études, c'est le travail pour le combat de la vie.